Je suis indiscutablement un gars intéressant et parfois même éblouissant, car je joue la guitare électrique de mes goûts éclectiques. Je me sens vraiment fantastique. Tous ces gens qui m'aiment tout au fond du réseau, car je serai ton âme. Pourquoi pas ton héros du moment qu'on m'aime, sur tous les canaux, plus jamais le même, seulement le plus beau. Avant qu'il ne vienne, je te prendrai les mots, je deviendrai ton rêve, pourquoi pas hétéro. Je resterai le même, je vis à fleur de peau. Si tu dis que tu m'aimes, c'est tout ce qu'il me faut. Je sais, je fais rêver les gens, ma vie comme un roman. Je suis un garçon désarmant, car je brille quand je fais l'innocent.